Il est 18h et vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on se dirige maintenant au lac Saint-Charles qui est la principale source d'eau potable de la ville de Québec. Mais depuis plusieurs décennies, le lac subit un vieillissement accéléré en raison des activités humaines qui ont lieu sur ses rives et dans son bassin versant. Afin de protéger ce précieux milieu naturel et la qualité de l'eau du lac, la ville de Québec s'est engagée lundi dernier à convertir 6,8 km² de terrains municipaux en réserve naturelle et à modifier les règles en matière de développement immobilier dans le secteur de la ville, dans ce secteur de la ville. Mais la réussite de ce projet dépend aussi de l'implication de tous les acteurs du territoire. Alors, Mélanie Jean est là pour nous expliquer la situation. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, le lac Saint-Charles, je vais te faire un bref portrait de cette région-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un territoire vraiment non négligeable. Son bassin versant s'étend sur le territoire de la ville de Québec, bien sûr, et de plusieurs municipalités de la MRC, de la Jacques-Cartier. Le lac Saint-Charles, c'est d'ailleurs le plus grand lac de ce territoire-là. Ses principaux affluents sont la rivière des Hurons et le lac de l'Age, et tous deux se déversent à l'extrémité nord du lac. Et l'unique effluent du lac Saint-Charles, c'est la fameuse rivière Saint-Charles, qui joue un rôle aussi important dans le paysage de la ville de Québec. Tout à fait. Et cette région-là, en fait, le lac a une superficie de 3,6 km². Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la source d'eau potable pour plus de 300 000 résidents de la ville de Québec. Et comme je le disais, le bassin versant du lac Saint-Charles, c'est un grand territoire. Ça a environ 168 km². Ça couvre principalement, en fait, trois municipalités. Les cantons unis de Stoneham et Tewksbury, qu'on appelle affectueusement Stoneham. Oui. La ville de lac de l'Age et la ville de Québec. 65 % du bassin versant se retrouve sur le territoire de Stoneham, en fait. Donc, c'est une municipalité qui possède une assez bonne portion de ce territoire-là. Tout à fait. Et dans les dernières années, le lac Saint-Charles a subi un vieillissement très accéléré. Pour te donner une idée, entre 2008 et 2012, donc on parle d'environ 5 ans, le lac a subi un vieillissement qui équivaut à 25 ans. C'est beaucoup, là. Oui, c'est pas normal, d'ailleurs. Tout à fait. Mais Mélanie, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par le vieillissement accéléré du lac Saint-Charles? Comment est-ce que ça se manifeste? Bien, c'est la vitesse avec laquelle le lac gagne en nutriments. L'accroissement des nutriments, ça va profiter à la prolifération des algues. Et passé un certain degré, bien, une trop grande présence d'algues et de végétaux dans le lac va faire en sorte que le milieu va devenir comme asphyxié et il n'y a plus d'oxygène, il y a de moins en moins d'oxygène disponible pour la survie des espèces dont dépend le lac. Et pour vous aider à mieux comprendre les problèmes auxquels fait face le lac Saint-Charles, je vais faire un petit historique de ce qui s'est passé dans cette région-là. OK, alors allons-y pour cet historique. Entre 1854 et 1934, la ville de Québec puisait son eau potable dans la rivière Saint-Charles, mais il n'y avait aucune modification, il n'y avait pas de construction à l'époque. Et le lac Saint-Charles et son bassin versant constituaient un milieu naturel qu'on pourrait dire là, peu perturbé et peu habité aussi. Mais au fil des années, le développement d'activités économiques, comme par exemple l'exploitation forestière dans ce secteur-là, il y a quand même beaucoup de forêts. Il y a eu des activités récréotouristiques et le développement résidentiel, surtout, qui a augmenté dans cette région de Québec. Mais ça a conservé, malgré tout, une vocation de villégiature. Donc, l'environnement du lac Saint-Charles s'est mis à changer peu à peu. Mais là, c'est à partir de 1934 quand il y a eu la construction d'un barrage à l'embouchure du lac Saint-Charles pour contrôler le débit de la rivière Saint-Charles, que le milieu a vraiment été modifié. L'hydrologie naturelle du lac a été modifiée parce que là, le niveau de l'eau s'est élevé d'environ un mètre à cause de la construction du barrage. Ça a eu un impact. Et c'est ça, ça a créé un déséquilibre écologique et ça a marqué le début des modifications de la qualité de l'eau pour le lac Saint-Charles. Par la suite, dans les années 50, le barrage a été encore rehaussé de 2,5 mètres au-dessus du niveau naturel. Et là, ça a submergé des basses terres qui étaient environnantes sur une largeur qui pouvait atteindre quand même jusqu'à 50 mètres. Mais j'imagine que ces aménagements humains ont eu un impact important sur le lac lui-même. Oui, parce que l'inondation des berges, ça a créé de l'érosion des rives. Et ça a aussi modifié la structure même du lac parce que ça a apporté de la terre et d'autres matières organiques, des sédiments, dans le fond du lac. Et ça a transformé le lit original qui était fait de gravier et de sable en un lit de type plus vaseux. Et dans le milieu lacustre, c'est ce qu'on appelle un processus d'envasement. J'imagine que le lac a même changé de forme, probablement. Ben oui, parce que ses rives se sont étendues, vu qu'on a augmenté le niveau de l'eau. Effectivement. Les inondations ont même créé un marécage. Pour les gens de la région, si je vous dis les marais du Nord, je suis certaine que ça vous dit quelque chose. C'est situé à l'extrême nord du lac Saint-Charles, c'est une super belle région. Et la hausse du niveau du lac, ça a entraîné aussi une modification, comme tu l'as dit, là, de la forme du fond du lac, mais aussi la qualité physico-chimique de l'eau aussi a changé. Initialement, il était petit, il était pas très profond. Il était profond plutôt, et là, c'est plutôt l'inverse, il est devenu étendu et très peu profond, parce qu'au plus profond, on parle de 17 mètres, c'est pas énorme. Et dans les 20 dernières années, le lac a subi des pressions assez importantes dues aux activités humaines, tant en amont qu'en aval. Et depuis 2006, on a compté jusqu'à 17 éclosions de cyanobactéries à chaque année. Donc, c'est la forte présence, il y a vraiment une forte présence de cyanobactéries. Et ça, c'est un signe assez important de la dégradation de la qualité de l'eau d'un lac. Donc, si on veut savoir si un lac est en santé, on a juste à compter le nombre d'éclosions de cyanobactéries. C'est un assez bon indicateur. Et ça aussi, ces cyanobactéries-là, c'est pas seulement un danger pour le lac, ça représente aussi un risque pour la santé des usagers du lac, parce que c'est des algues toxiques. Ah, tout à fait. Et quel est le portrait du lac aujourd'hui? Est-ce qu'il reste encore des portions sans aménagement humain? Il y a une étude qui a été effectuée en 2012 pour caractériser les bandes riveraines du lac. Et on a découvert alors que 43% des bandes riveraines remplissaient carrément pas une fonction écologique adéquate. Là, par fonction écologique, je parle, par exemple, de la filtration de l'eau ou de son rôle d'habitat naturel. Okay. Donc là, on se retrouvait avec 43% du pourtour du lac qui avait aucunement cette fonction-là. C'est ça. Donc, ça aide pas, ça. La prolifération des plantes aquatiques au lac Saint-Charles depuis 2007, c'est un autre symptôme de vieillissement accéléré. Ces plantes-là prennent de plus en plus d'expansion, notamment à cause de la plus grande présence de nutriments dans l'eau, comme je vous parlais plus tôt. Et là, vient entre autres aussi le problème des eaux usées domestiques. Puis ça enrichit en nutriments aussi. Fait que là, c'est comme une roue qui tourne, ça enrichit, les plantes poussent plus, puis on a moins d'oxygène dans le lac. Exactement. Et un autre problème auquel le lac fait face, c'est l'augmentation de la salinité. On peut se poser des questions parce que un lac salé, normalement, c'est pas salé. Mais en fait, c'est que dans cette région-là, il y a beaucoup de routes. Et dans le bassin versant, on compte d'ailleurs le tronçon de la route 175 qui relie Stoneham au Parc national de la Jacques-Cartier depuis 2012, c'est assez récent. Donc, cette route-là va provoquer une contamination du lac parce qu'on utilise des sels de voirie pour entretenir la route l'hiver. Et en 4 ans, la salinité de l'eau du lac a augmenté de 75%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. L'urbanisation aussi, ça a contribué à l'augmentation des problèmes de la qualité de l'eau du lac. Un territoire urbanisé, en fait, ça retient pas vraiment l'eau. C'est pas comme un milieu naturel. C'est une rue, c'est assez étanche. Ça ruisselle. C'est ça. L'eau, ça pénètre pas du tout dans le sol. Et là, le ruissellement plus fort entraîne une contamination plus importante parce que l'eau est pas du tout filtrée dans le sol, l'érosion va augmenter et le transport des nutriments et des contaminants se fait de façon très efficace. Et tous ces éléments accumulés contribuent à l'accélération du vieillissement et surtout à la dégradation de la qualité de l'eau de ce fameux lac. Oui, tout à fait. Et Mélanie, alors dans ce contexte-là, qu'est-ce que la Ville de Québec propose pour renverser cette tendance de cette dégradation qui est accélérée? Mais comme tu l'as rapidement mentionné dans l'introduction de ma chronique, la Ville de Québec s'est engagée à convertir 6,8 km² de terrains municipaux en réserves naturelles pour protéger le bassin versant et la prise d'eau potable du lac Saint-Charles. 6,8 km², ça correspond à 246 terrains municipaux où la construction immobilière va être carrément interdite. On fera absolument rien sur ces terrains-là. Et c'est une très bonne chose. Oui. Mais il y en a combien sur le tour? Est-ce que tu le sais? Je sais pas. Il y a 246 terrains. Sur combien? J'en ai aucune idée, mais il y a quand même beaucoup de terrains autour du lac Saint-Charles. Si vous allez l'été vous promener sur le lac, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de chalets c'est même plus des chalets, là. C'est carrément des maisons. C'est ça. Et la vente de ces terrains aurait représenté quand même plusieurs millions en taxes municipales, en revenus pour la ville, si elle avait décidé de vendre ces terrains-là pour du développement immobilier. Mais heureusement, l'administration de la ville s'est rendue compte que c'était nécessaire de freiner ces développements immobiliers-là si on veut sauvegarder la qualité de l'eau de la rivière Saint-Charles et de ses affluents et du lac Saint-Charles aussi. Le plan de la Ville de Québec pour ces 246 terrains va devoir être présenté au ministère de l'Environnement au cours des prochaines semaines. C'est eux qui vont approuver le plan que la Ville a envie de faire. Et par la suite, ils vont mettre ça en branle, mais il va falloir aussi qu'ils discutent avec Stoneham, le lac de l'Âge, pour s'entendre sur un plan de match, on peut dire. Uh-huh. Mais pour ceux qui sont déjà établis autour du lac, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Bien, j'imagine que là, on parlait tout à l'heure qu'il y avait des bandes riveraines qui sont pas très, très conformes. Je sais que dans les dernières années, il y a des règlements qui sont passés. Je me souviens pas exactement ce qui concerne Québec, mais à d'autres endroits, il y a des gens qui sont obligés de renaturaliser les bandes. Les berges de leur terrain. Sur une certaine longueur, j'imagine. Oui. Pour servir de filtre. Exactement. Donc, ça serait une assez bonne chose. Mais je sais que la Ville de Québec propose d'améliorer justement l'état des bandes riveraines en faisant du reboisement. Donc, il y a des chances que les gens qui habitent là soient obligés de faire du reboisement. Uh-huh. Et il y a aussi des changements dans le réseau d'égouts qui est prévu. Oui. Parce que la région de Stoneham, du lac de l'Âge, ben ça dépend de fosses septiques. Donc là, on en a même, d'ailleurs, je crois qu'hier encore, on a vu M. Labombe aux nouvelles qui parlait que Stoneham doit être accordé au réseau d'aqueduc de la ville de Québec. Ben c'est un peu dans ce projet-là. Mais oui. Tout est lié avec la santé du lac Saint-Charles, en fait. C'est ça, c'est pour qu'il n'y ait plus de fosses septiques, j'imagine, à long terme. C'est ça, parce que les fosses septiques sont une source de contaminants aussi. Là. C'est préférable d'être relié à un réseau d'aqueduc. Que d'avoir un champ d'opération. C'est ça, exactement. Donc là, bien sûr, ben on parle de collaboration avec les autres municipalités de la communauté métropolitaine de Québec. C'est essentiel pour que ce projet-là réussisse. Ben heureusement, déjà, les maires de cette région-là puis d'autres conseillers municipaux ont déjà commencé à dire que oui, c'est une bonne idée, ils sont d'accord. Il y en a qui sont un peu récalcitrants, mais j'imagine qu'ils vont finir par comprendre que c'est vraiment important, parce que je sais qu'il y en a que le développement immobilier, c'est important, c'est sûr, mais... Mais la première source d'eau de l'île de Québec, c'est aussi c'est important. Oui, tout à fait. Ouais, fait Donc, pour terminer, ben, selon l'Association de la protection de l'environnement du lac Saint-Charles, il est pas trop tard pour sauver le lac, mais il va falloir faire un effort concerté de tous les acteurs, comme je le disais. Et ben là, il faut s'attendre à quelques décennies avant que ça change vraiment beaucoup dans la qualité de l'eau. Ouais, ça prend plus de temps à soigner qu'à polluer. Hein? Tout à fait. C'est un fait. Il faudrait aussi peut-être faire attention, diminuer l'impact des sels sur la voirie aussi pour contribuer à ça. Alors, merci beaucoup Mélanie Jean pour ce portrait de l'état du lac Saint-Charles. On va faire une courte pause musicale sur CKRL au 89.1 et de retour, on vous parle de bonheur.